Je les ai vus arriver dans leur camion et aussitôt s'attaquer à mon tronc. Mais j'ai rien fait de mal, moi. Je vis juste là où je suis né. Car je ne peux pas me déplacer. Et je nettoie l'air que vous salissez. Je gênais un peu vos plans de construction. Et pour vous, je ne vaux pas même la question de penser à faire une petite modification. Je ne suis qu'un arbre, moi. À vos yeux, je ne compte pas. Vivre ma vie, je n'y ai pas droit. Mais je nettoie l'air que vous salissez. J'en retire un des grands dangers. Est-ce qu'il vous arrive d'y penser? De place, moi je ne sais pas changer. Mais changez vos plans, vous, vous le pouvez. Ah, si seulement vous saviez respecter des êtres vivants le droit d'exister. Mais voici que je craque et que maintenant je vacille. Adieu la lumière, adieu la vie. Je nettoyais l'air que vous salissez.